Évariste Nziko Banyanga. Nous sommes jeudi 8 septembre 2015. C'est le moment du journal édition de la mi-journée, dont voici d'abord les principales articulations. Il se tient ce jeudi à Dar es Salaam, en Tanzanie, en sommet des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est. La question de la crise au Burundi sera au menu de discussion. En page sécurité, une personne a été tuée ce mercredi soir suite à une explosion d'une grenade en commune Nebusoni dans la province de Kirundo. Une trentaine de familles de la colline Kaguruti en zone Rubona de la commune Mugina dans la province de Chivitoke sont des sans-abri depuis ce mercredi soir suite à une forte pluie qui s'est abattue dans cette localité, détruisant des champs de bananiers. Les familles victimes crient à une aide d'urgence. Et en actualité internationale, nous allons nous rendre au Gabon, au Soudan et au Proche-Orient pour vous parler de ces insultes entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Bienvenue dans ce journal et dans la mise en onde est assuré par François Akimana et Nadia Nsabimana. Bonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Jeudi matin, la police de protection civile en province Chibitoke a repêché deux corps retrouvés sans vie, flottant sur les eaux de la rivière Rusizi. L'administrateur communal de Rugombo, Béatrice Kaderi, fait savoir que ces corps n'ont pas été identifiés et vont être enterrés après cette opération, arguant qu'ils sont déjà en décomposition. Je vous le disais en titre, les dirigeants de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, EAC, sont réunis en sommet à Dar es Salaam en Tanzanie. La question de la crise au Burundi sera au menu de leur discussion, rappelant que cette communauté a décidé de ne plus se réunir à Bujumbura pour des raisons de sécurité. Le parti MRC Rudenzangemero garde espoir que le sommet des chefs d'État africains qui se tient à Arusha en Tanzanie va donner le poids et la force nécessaire au facilitateur du dialogue interburundais Benjamin Mkapa pour que la crise burundaise soit la plus vite dénouée. Le président de ce parti, professeur Juvenal Ngogwanubusa, déplore que ce sommet a affiché un retard du fait que le facilitateur avait souligné et que la suite de ce dialogue dépendra de la tenue de ce sommet. Il a été joint au téléphone par Placide Niyomongeri. Mais avoir les rendez-vous manqués est tous imputables à la partie gouvernementale depuis ces derniers temps. Il y a lieu de modérer l'optimisme. Cependant, au MRC Lenzangemero, nous soutenons la démarche inclusive du co-facilitateur Benjamin Mkapa. Nous demandons seulement au chef d'État de la région de lui donner le poids et la force nécessaires pour imposer à toutes les parties de négocier véritablement les questions vitales qui s'opposent au Burundi, mais également de ramener la confiance entre les forces de l'ordre et de défense du pays. Cette confiance étant préalable pour qu'il y ait confiance entre les populations dans toutes leurs composantes. De vos propos, on pourrait entendre que la tenue de cette session aurait affiché un certain retard. En fait, à la dernière session manquée d'Arusha, je sais que le co-facilitateur Mkapa avait promis de donner rapport au chef d'État réuni à Kigali, et cela fait plus d'un mois. Je pense qu'ils ont mis à profit ce mois pour vraiment passer en revue les questions vitales qui concernent le Burundi et que probablement ils ont passé plus d'un mois afin de bien préparer cette rencontre de Dar es Salaam. C'est pourquoi nous espérons qu'ils vont donner des directives claires à Benjamin Mkapa pour que les vraies questions soient posées pendant cette session. Même son de cloche du côté du parti Sawanya Frodebou Nyakuri. Ce parti espère que le sommet des chefs d'État va permettre l'accélération du rythme de dialogue interburundais sous la médiation de Benjamin Mkapa. Kefani Vizi, président de ce parti, trouve que la question des conflits entre le Burundi et le Rwanda peut être traitée et trouver une issue favorable. Suivez Kefani Vizi. Nous avons donc des attentes d'associations ambitieux et nous pensons qu'au terme de ce sommet, on va exiger au Rwanda d'accepter la venue des experts indépendants et qui viendraient vérifier s'il n'y a pas de fauteuils de troubles qui sont en train de venir attaquer au Burundi. À ce qui est des négociations, nous pensons qu'on va accélérer le rythme de ce dialogue pour qu'on trouve une occasion de convaincre ceux qui veulent accéder au pouvoir par d'autres voies que les urnes et qu'ils acceptent les institutions ici des élections de 2015 et qu'ils viennent préparer les élections de 2020. Et nous pensons également qu'on ne va plus inviter ceux qui sont recherchés par la justice burundaise parce que pour cela, les places n'est pas aux négociations, mais les places devant les tribunaux compétents. C'était Kefani Wizi, le président du parti savoyen Frotte de Boue. Il a été aussi joint au téléphone par Placide Niyomungiri. La validation de l'agenda des pourparlers pour la médiation burundaise est l'une des propositions de Gabriel Roussiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Il affirme que le contenu du rapport qui a été fait par Benjamin Mukapa et Kaguta Yoweri Museveni a été porté à leur connaissance et il demande en outre que le rapport du Conseil national de dialogue interburundais ne soit pas considéré par ses chefs d'État car il vient primer sur la Constitution et les accords d'Arusha. Suivez plutôt Gabriel Sidi. On a demandé aux chefs d'État de valider l'agenda des pourparlers proposés par la médiation dans la crise burundaise, d'adopter une résolution intimant l'ordre à tous les protagonistes de participer au prochain round de dialogue inclusif inter-burundais sans aucune condition, faute de quoi donc les sanctions devraient être prises, de prendre des mesures qui s'imposent pour que les relations entre le Burundi et le Rwanda se normalisent, au chef d'État d'exiger à tous les protagonistes d'abandonner la voie de la violence et d'emprunter la voie du dialogue, de rejeter purement et simplement le rapport de la Commission nationale de dialogue inter-burundais car il viole l'accord d'Arusha de la Constitution burundaise ainsi que la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. On a demandé à ce que les chefs d'État exigent la réouverture des médias brûlés et fermés, la libération des prisonniers politiques et d'opinion et garantir la sécurité de tous les citoyens sans aucune distinction, d'exiger que les personnes et les biens circulent librement dans tous les pays de l'EAC. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h04 minutes au studio de la radio Isanganiro Cap sur le nord du pays, précisément à Mwinga, où l'administrateur de la commune Gasogwe a suspendu de leurs fonctions trois administratifs dont son conseiller technique est chargé du développement. Les administratifs visés sont soupçonnés d'avoir détourné une partie de l'argent destiné à une main-d'œuvre dans un programme de traçage des courbes de niveau sur différentes collines de cette commune. Les détails avec Dieudonné Nzeiman. Dans le bloc des administratifs suspendus provisoirement de leurs fonctions en commune de Gasogwe, le conseiller de l'administrateur chargé du développement, le chef de zone Gasogwe et le chef de colline Bihogo. À l'origine de cette décision de l'administrateur, des informations faisant état d'un compte de la commune par lequel aurait transité plus de 14 millions de francs bourg, somme départagée entre certains administratifs. L'argent détourné était destiné à payer la main-d'œuvre du programme de traçage des courbes de niveau sur 8 collines de cette commune sur financement du programme alimentaire mondial. Fictifs auraient été ajoutés sur les listes de peines. Certains habitants affirment avoir été soudoyés pour figurer sur les listes plus d'une fois. Claude Bartonaïwe, administrateur de la commune de Gasogwe, parle de mesures provisoires pour faciliter les enquêtes. Pour le moment, pas de preuve de l'existence d'un tel compte, affirment les administratifs visés. Nous sommes plutôt victimes d'un conflit de leadership au sein du conseil communal, justifie ces administratifs suspendus. Depuis le début de cette semaine, 8 chefs de colline sont visés par l'enquête de la brigade spéciale anticorruption. L'administrateur a suspendu le seul chef de colline Bihogo, Raja Buyaminiza, celui-ci croit plutôt à une volonté manifeste de l'éjecter par le simple effet d'être membre de la coalition Amizero ya Barundi. Le Donenze Imana, Muyinga Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. D'ici la fin de l'année en cours, certains départements qui délivrent des documents comme les passeports, permis de conduire, extraits de casier judiciaire et autres seront fonctionnels dans 5 provinces de l'intérieur du pays. Ce projet vise la déconcentration des services qui délivrent seuls ces documents actuellement. Selon Marie-Rosette Nzeyimana, le secrétaire permanent du ministère de la fonction publique, après les 5 provinces pilotes, cette déconcentration va aussi s'étendre dans toutes les provinces du pays. Suivez-la. Donc, c'est un projet qui a été initié en 2014, qui est inscrit dans le cadre du programme national de réforme administrative. L'un des axes de ce programme stipule qu'il faut déconcentrer justement certains services vers les provinces de l'intérieur du pays pour faciliter aux citoyens demandeurs de ces services afin qu'ils puissent gagner et du temps et aussi financièrement. On a alors identifié certains services comme la PAF, PC et PJ, parce que ce sont des services qui donnent des documents qui sont délivrés uniquement à Bujumbura. Quand on a pensé à mettre en place ce projet, on avait voulu que ça soit dans toutes les provinces du pays. Mais après avoir identifié le matériel nécessaire, et on a vu qu'on ne pouvait pas commencer par toutes les provinces. Et on a identifié 5 provinces pilotes, à savoir la province de Ngozi et Muyinga pour la région nord, et la province de Gitega et Mwaro pour la région centre, et au sud, c'est la province de Bururi. Ce sont ces provinces pilotes qu'on a identifiées, mais le projet sera pour toutes les provinces. Mais en attendant, il faut qu'on ait de l'expérience pour ces 5 provinces. Comme ça, quand on va entamer les autres provinces, ça sera fait très facilement. Quand on a commencé ce projet, on pensait que ça allait prendre un peu de temps. Mais après avoir fait le contour de tout le nécessaire pour commencer à faire fonctionner ces services, mais pour le moment, on est content qu'on a le matériel. Le personnel qui va travailler dans ces services est déjà formé. Et avec le CNUD qui nous a pris, on espère que d'ici la fin de l'année, ces services vont commencer à fonctionner. Marie-Rosette Nzeyimana était au micro de notre confrère Robin Niyonguru. Plus de 30 maisons et des champs de bananiers ont été emportés par une forte pluie hier soir aux environs de 18h sur la colline Kaguruti, zone Rubona, commune Mugina, province de Chibitoke. La population demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide. L'administrateur de la commune Mugina, Bayavugue Jovit, indique que la commune est en train de faire des listes afin de les transmettre au ministère des droits de la personne humaine et des affaires sociales et du genre, arguant que la commune n'a pas de moyens pour les prendre en charge. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et en actualité internationale, au Gabon, dernier jour du dépôt de recours contre les résultats de l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Au Soudan, malgré l'impasse sur un cessez-le-feu, Béchir annonce le retour de la paix au Darfour. Entre l'Iran et l'Arabie saoudite, des insultes fussent et la pression monte suite à l'exclusion des Iraniens au pèlerinage musulman à la Mecque. Les détails avec Didier Nyonzima. La guerre des mots entre l'Iran et l'Arabie saoudite a atteint son paroxysme avec des accusations réciproques, acerbes et agressives, à quelques jours du pèlerinage musulman à la Mecque, dont les Iraniens ont été exclus cette année. Désormais, la tension entre les deux poids lourds de la région est arrivée à un point dangereux. Selon le site web de la RFI, la dernière attaque en date est venue ce mercredi 7 septembre du guide suprême iranien Ali Khamenei qui, dans des propos d'une virulence sans précédent, a qualifié la famille royale saoudienne de maudite et maléfique ne méritant pas de gérer les lieux saints de l'islam. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a annoncé ce mercredi que la paix était revenue au Darfour malgré l'impasse dans les pourparlers avec l'Union africaine pour un cessez-le-feu dans cette région déchirée par la guerre. Monsieur Béchir a prédit un avenir meilleur pour la région meurtrie à l'occasion d'une rencontre à El Fasher dans la capitale de l'état du Darfour Nord avec ses homologues du Tchad Idriss Déby et du Qatar l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Enfin, au Gabon, le chef de file de l'opposition, Jean Ping, et Ali Bongo, le président sortant, ont jusqu'à cet après-midi pour saisir la Cour constitutionnelle sur les résultats de l'élection présidentielle. Le camp de M. Ping continue de revendiquer la victoire à la présidentielle malgré l'annonce des résultats favorables à M. Bongo. Selon le site web de la BBC, l'opposition n'a pas encore annoncé sa décision. Jean Ping, arrivé derrière le président sortant Ali Bongo Ondimba, selon des résultats officiels, affirme que la Cour constitutionnelle est totalement inféodée à la présidence. La saisine de la Cour constitutionnelle est la seule solution envisageable pour une sortie de crise, a assuré ce mercredi Ali Bongo. Merci à Didier Niyonzima. Avant de boucler la boucle de ce journal, parlons de cette page sécurité qui nous parvient dans ces dernières minutes. Une grenade a été lancée ce mercredi aux environs de 19h dans un kiosque tuant une personne sur la colline Nyarunazi en commune Boussouni dans la province Kirundo. Des arrestations ont eu lieu ce mardi à Rutana et à Mugamba. La police burundaise parle de 100 pièces d'identité et des malfaiteurs. Les détails avec Marie. Cette grenade a été lancée ce mercredi soir dans une boutique située dans la zone Nyarunazi, commune Boussoni de la province Kirundo. Le propriétaire de cette boutique a été grièvement blessé, selon les informations sur place à Nyarunazi, confirmées par le porte-parole de la police nationale. Pierre Ngurikiye informe que 3 personnes, dont une femme, ont été appréhendées. Cette femme est l'épouse d'un homme qui a travaillé avec le boutiquier blessé. Il aurait été son patron avant l'ouverture de cette boutique. Le porte-parole de la police informe que la voie privilégiée par les enquêtes dans cette affaire, il serait un cas de règlement de compte. En commune Mugamba, 15 personnes ont été appréhendées par la police en zone Nyagasasa ce mercredi. 8 ont été libérées et 7 restent dans la prison. Ils sont soupçonnés de collaborer avec les fauteurs de troubles en commune Mugamba. Les 7 viennent s'ajouter à 3 autres qui avaient été appréhendés pour être interrogés sur un assassinat récent d'une jeune fille dans cette même commune, comme le confirment les sources sur place à Mugamba. Et ces informations sont confirmées par la police. À Rutana, 13 personnes sont en prison en commune Gitanga. Ils ont été arrêtés ce mercredi. Certains n'avaient pas de carte d'identité et d'autres étaient en route vers la Tanzanie. L'administrateur de la commune Gitanga parle de soupçons qui pèsent sur ceux qui se rendaient en Tanzanie, notamment sur le motif de leur voyage. Aaron Ndouabike informe que tous vont être libérés. Ils étaient pour la plupart originaires de la province Karoussi. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, nous allons vous rappeler l'essentiel de l'actualité. Il se tient ce jeudi à Dar es Salaam en Tanzanie, un sommet des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est. La question de la crise au Burundi sera au menu de discussion. Et en page sécurité, vous l'avez entendu, une personne a été tuée ce mercredi soir suite à une explosion de grenade en commune Boussoni dans la province de Kirundo. Et une trentaine de familles de la colline Kaguruti en zone Rubona de la commune Mugina dans la province Chibitoke sont des sans-abri depuis ce mercredi soir suite à une forte pluie qui s'est abattu sur la localité, détruisant des champs de bananiers. Les familles victimes crient à une aide d'urgence. Merci à vous tous pour avoir suivi cette édition. Merci à François Kinmana qui a assuré la mise en onde en collaboration avec Nadia Saïmana à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndikubananga. Nous vous souhaitons de passer une bonne après-midi. Au revoir. C'est pour Common Ground. Et l'atelier des responsables des radios.